Bien, eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes dans le salon d'écoute du Festival Archipel. Nous sommes samedi 13 avril 2024, et pour ce premier partage d'écoute, qui est donc une série qui nous permet de découvrir les univers musicaux des compositeuristes qui sont ou musiciens, musiciennes invités du festival. On rentre un petit peu dans leur cerveau, pas dans leur musique, précisément pas dans leur musique. Leur musique, on les découvre ailleurs dans le festival, mais ici, on découvre un petit peu ce qui, les musiques qui les animent, qui les construisent, qui participent à faire en sorte que ces personnes font ce qu'elles font aujourd'hui. Donc, c'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Henny, qui donc donnera une œuvre en création demain à 16h30 dans la grande salle avec une œuvre pour cœur d'enfant. Et donc, sans plus attendre, je lui cède la parole et je me réjouis de découvrir ce qu'elle va nous faire écouter. Merci. Bonjour, bienvenue. Je vais juste dire quelques mots pour introduire le fil rouge de l'écoute. Le fil rouge de ce moment qu'on passera ensemble, ce sera la voix. Alors des voix puissantes, des voix singulières, des voix qui ruent dans les brancards. Et pour faire lien, toutes ces voix ont un point commun qui fait lien avec la thématique du festival, une thématique qui m'est très chère, qui est le souffle, la respiration. Et ces voix, elles ont un point commun fort qui est vraiment la notion de souffle vital. C'est-à-dire que ces voix procèdent vraiment d'une nécessité vitale de proférer, de mettre en voix, de vibrer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va rassembler ces voix. C'est cette nécessité vitale avec des voix ardentes, des voix vives et des voix parfois en colère qui sont des voix qui m'animent effectivement au quotidien. La première voix qu'on va écouter, c'est celle d'André Robillard. André Robillard, il a aujourd'hui 92 ans. Je l'ai découvert dans les collections de l'art brut. On peut y voir notamment ses fusils. André Robillard, il élabore des fusils, des engins spatiaux, des Spoutniks à partir de matériaux récupérés. Et puis on peut le voir parfois sur des scènes avec la compagnie Les Endimanchés où il fait du théâtre musical, de la poésie sonore. Et Robillard, il a vraiment. On va écouter deux choses de Robillard qui sont deux extraits d'un très bel album publié sous le label Sub Rosa en 2006, Musique dans les marges, Music in the Margin. Et on va écouter d'abord un entretien d'André Robillard et ensuite un morceau pour voix et batterie. Et dans cet entretien, il y a cette voix urgente, il y a cette voix qui, avec cette scansion très particulière qui parle de la nécessité vitale de créer. Et dans le morceau avec batterie, on entend vraiment cette jubilation de musiquer, voilà, de mettre en voix et de créer. André Robillard. Moi, j'ai été un peu bizarre, là, j'ai eu de la misère. Et j'aime d'ailleurs pour ça que j'ai changé ma vie. Mais pas du mauvais sens, par exemple, j'ai du bon sens. J'ai changé ma vie, puis après, quand t'as vu ma bonne approche, j'ai changé ma vie. Comment ça veut dire quoi, changer sa vie? Changer sa vie? Ben, c'est-à-dire qu'on ne veut pas toujours rester dans la misère, on va dire. Alors il a fallu changer sa vie dans sa vie, sur une autre condition, sur une autre vie. Comment vous avez fait, vous? Ben, comme j'ai fait, quand j'ai changé ma vie, bon, le machin d'accord de Paris, les gars. Et en commençant en mars 64, mes premiers disciples de rencontre, j'ai changé ma vie. Et puis après, je me suis bien fait le machin artiste, et puis ça m'a changé ma vie. Et j'ai continué, et après, depuis ce temps-là, ça n'avait bougé. C'est ça qui vous a rendu heureux, alors? Ah, ben, c'est ça. Avec pas grand-chose. Puis après, je me suis mis dans l'instrument de musique, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après sans me mettre dans le machin d'instrument de musique? Et bien, ça m'a changé un peu ma vie. Ça m'a éliminé un peu la misère, et puis voilà. Et sur ma vie avec l'art et tout ça, et bien voilà. Ça m'a fait disparaître un peu la misère dans ma vie que j'avais, et j'ai changé ma vie. C'est ça. Ça vous a fait rencontrer des gens, c'était quoi? Et voilà, ça m'a rencontré des gens, et puis voilà, puis ça a tout bouleversé. Ça m'a changé. Et c'est quoi qui vous a dit de faire le premier fusil? Bah, c'est moi. Mais comment ça vous est venu? Ça ne pas par appel. J'ai commencé par un petit peu comme ça. À bricoler comme un bricolage. C'est comme tous les artistes qui commencent à faire quelque chose, et puis hop, les tableaux, tout ça, c'est tout. Voilà, vous. Un petit machin d'avoir commencé pour grand chose, hein, pour un, sans s'en rendre compte, hein, avoir commencé par un petit truc comme ça sans savoir, hein, imaginer. Et puis j'ai continué tout ça, puis c'est là que j'ai monté, et à la porte, c'est. Et c'est M. Paul Renard, le médecin psychiatrique, qui m'a emmené les jeunes à, vous avez entendu parler, Jean Dubuffet à Paris. Il a envoyé ça, Jean Dubuffet. Et Jean Dubuffet, il a envoyé ça à la collection de la route à Lausanne, au musée de la route. Vous l'avez vu, vous l'avez rencontré, M. Dubuffet? Ah, j'ai rencontré, mais une fois, il m'a invité. Il a envoyé ça à Paris. Ça fait combien de temps que vous avez avancé? Il y a 2 ans déjà. On met les cartouches là-dedans, oui. Tu vois, c'est pareil. Et une rocarde. On va écouter maintenant une autre voix qui pour moi est une grande voix française du XXe siècle, c'est celle de Colette Mani. Colette Mani, que les journalistes ont tenté en vain d'étiqueter cette voix multiple de Colette Magny. Colette Magny, elle a pas cessé d'explorer tout au long de son parcours, d'explorer des voix et des voix VOIE différentes avec des musiciens extrêmement différents. Il y a notamment Xenakis qui l'avait approché pour travailler avec elle, mais elle a refusé. Elle avait déjà une identité forte et puis elle avait vraiment envie de mener sa propre barque comme elle l'entendait. Et sa voix, Colette Magny, a vraiment été une caisse de résonance de nombreux combats politiques de l'époque. On va écouter un extrait d'un album superlatif qui s'intitule « Feu et rythme » qu'elle a sorti en 1971, un album qui a, à sa sortie, reçu le prix de l'Académie Charles Cros. Et puis, cet album, elle l'a réalisé avec des musiciens de la scène jazz expérimentale de l'époque. Alors, je n'ai pas retrouvé les noms, malheureusement, de tous les musiciens, même dans le coffret, mais par contre, des deux contrebassistes que sont Bob Guérin et Bar Phillips, qui étaient à ses côtés pour cet album. Et puis, le titre, c'est Juche, qui est un mot coréen qui veut dire « croyez en vos propres forces ». Et ce n'est pas le morceau le plus expérimental de l'album, mais je l'ai choisi parce que le groove des instrumentistes associé à la splendide colère de Colette Magny, je trouvais ça assez irrésistible. Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Juche, Ju Il y a des voix qui ont beaucoup influencé Colette Mani, des voix que j'ai pu redécouvrir grâce au livre écrit par Angela Davis qui s'intitule « Blues et féminisme noir », paru en français aux éditions Libertalia avec un CD. Et dans ce livre, elle s'est concentrée sur trois voix majeures, Gertrude Maraini, Bessie Smith et Billie Holiday. Et elle montre à quel point, avec aussi l'histoire de la musique, l'histoire du blues notamment, a souvent et longtemps été écrite par des hommes et par des hommes blancs, et que ces femmes ont joué un rôle absolument majeur dans l'histoire de la musique aux États-Unis et de la musique en général. Et donc, elle parle de ces femmes qui ont chanté avec force la fierté d'être noire, la fierté d'être bisexuelle, d'être farouchement indépendante. Et aussi, en 1923, quand elle a enregistré, Maraini a revendiqué aussi un salaire identique à celui de ses collègues masculins. Et elles ont écrit, les deux, donc Bessie Smith et Maraini, beaucoup de chansons dont elles écrivaient les paroles. On va entendre deux titres majeurs de ces deux chanteuses. Pour Maraini, c'est « Prove it on me blues », qui est considérée comme une des premières odes au lesbianisme. Dans la pub qui annonçait le titre, représentait une blues woman, une wild woman qui portait un chapeau d'homme, veste et cravate, et qui essayait de séduire des femmes au coin de la rue sous le regard inquisiteur d'un policier. Ça, c'est ce qui est présent dans le texte. Et puis, elle a ensuite, à la fin de sa vie, elle a formé Bessie Smith, Gertrude Rainey. On va entendre aussi un titre de Bessie Smith qui est très important, qui s'appelle « Preaching the Blues », avec un léger ton, on va dire, blasphématoire, puisque là, elle s'adresse donc à ses sœurs, « Laissez-moi gémir le blues, leur gueuler le blues, laissez-moi vous convertir leur âme avec le blues ». Voilà, elles ont été vraiment des pionnières des luttes ultérieures. Donc d'abord, « Prove it on me blues » de Maraini. Thank you. name of Sister Green jumped up and done a shimmy you ain't never seen. Sing 'em, sing 'em, sing them blues. On va faire la transition avec une autre forme de blues qu'est le maloya. Le maloya, c'est l'emblème musical de l'île de la Réunion. Le maloya, c'est le blues de l'océan Indien avec des influences à la fois africaines, malgaches et indiennes. Et on va écouter la voix d'un des ambassadeurs du maloya, qui est Daniel Waro, qui est musicien, qui est poète, qui fabrique aussi des instruments. Et puis, on va écouter un morceau qui s'appelle Madeleine. Ce morceau, il l'a écrit pour rendre hommage à une femme qu'il a soutenue lorsqu'il a effectué 22 mois d'emprisonnement à Rennes pour avoir refusé de faire son service militaire. Et cette chanson est écrite en créole et la voix de Daniel Waro, elle me touche profondément parce que je trouve que c'est une voix paysage qui charrie quantité de monde et d'histoire. Donc il s'accompagne, là c'est une session acoustique enregistrée au grenier à Dijon, où il est seul et il s'accompagne au kayambe, un instrument de percussion qu'on peut entendre dans le maloya. Atena Sabana la loja la main la badan mobian Onzo brit pochay en compte kogen atena Sa femme la l'envoye les poumons n'avait 75 ans Madame madame Paris la dame l'adresse son cœur Madame La dame l'adresse son cœur, la dame caresse son bonheur. Et la dame l'adresse son cœur, la dame caresse son bonheur. Madame, madame d'Alaine, africaine, européenne, américaine. Madame, l'amour pas la Comme un poisson coquille, il y a tout d'idéo. Et t'es tout de bonne mot écrit comme un domiel en l'eau. Quasiment j'en même mon avis du vaccin au vavant. On l'esprit comme un lien qu'en bas d'un carreau paille caillon. Madeleine, madame, Paris, la dame et l'adresse. Madeleine, madame, ça oui, la cadeau, caresse son bonheur. La dame, l'adresse ton cœur. Cadeau, caresse son bonheur. Et la dame, l'adresse ton cœur. La cadeau, caresse ton bonheur. Madeleine, madame d'Alaine, africaine, européenne. Madeleine, l'amour parrain, n'a pas déçu la terre, la haine. La On va partir au Burkina Faso pour écouter la voix des Peuls. Ça, c'est un disque que m'a fait découvrir Madeleine Leclerc, qui sera là d'ailleurs demain pour un partage d'écoute. Madeleine Leclerc, elle est responsable du département d'ethnomusicologie au musée d'ethno à Genève. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller si vous n'y êtes pas déjà allé. Elle m'a fait découvrir donc les AIMP, les Archives internationales de musique populaire, une des plus grandes collections d'Europe d'archives sonores. On peut entendre ça sur la mezzanine qui est donc en-dessus de la bibliothèque, au MEG. Et c'est absolument extraordinaire tout ce qu'on peut y découvrir. Et là, c'est un album absolument passionnant qu'a enregistré Sandrine Lonquet, ethnomusicologue, un album qu'on trouve sur le site du CNRS qui s'appelle La Voix des Peuls, Burkina Faso. Et on va y entendre donc un des morceaux. Ce sont 5 vocalistes et 2 chanteuses. Et c'est exclusivement vocal, à part on entendra un son percussif qui est fait avec une calebasse. Et donc c'est un rassemblement social ludique, qui n'a pas d'implication rituelle ou religieuse. Et là, il y a vraiment un extraordinaire travail justement sur les souffles comme composantes à part entière de la rythmique et de la couleur, et un tuilage comme ça pour créer un continuum sonore et une polyrythmie de voix gutturales et de souffles. Thank you. On part maintenant dans le nord de l'Italie avec des voix qui me sont très très chères, qui sont les voix des mondines. Les mondines, la traduction littérale, sont les aimondeuses. Ce sont les femmes qui ont travaillé dans les rizières, dans les plaines du Pô, dans le nord de l'Italie. Et ce qui est passionnant avec les mondines, c'est que tout leur destin collectif est vraiment contenu dans leur chant. Et elles ont vraiment misé sur le chant et la grève pour revendiquer. Elles ont vraiment incarné l'avant-garde des luttes ouvrières de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et ces chants étaient au départ des chants de travail qui avaient deux fonctions principales. Une d'entre elles était de rythmer le travail et l'autre était, avec tous les guillemets qu'on peut mettre là autour, d'atténuer la pénibilité du travail. C'était un travail extrêmement dur. Et ces chants sont devenus au fil du temps des hymnes de revendication, de protestation, qui sont vraiment devenus des hymnes dans toute l'Italie des luttes paysannes et syndicales du XXe siècle. On va écouter trois chants, tous les trois chantés par d'anciennes mondines. Et le premier, c'est « Se otto ore vi sembran poco », qui dit « Si 8 heures vous semblent peu, essayez de travailler, vous verrez la différence entre commander et travailler ». Un chant qui s'adresse au patronat, c'est souvent le cas. Du chant qui vient aussi, qui dit « Sur padrun dali belli braghi bianchi ferali palanchi candu maca ». Là, elles ont inventé une langue avec plusieurs dialectes en disant « Et le beau patron au beau pantalon blanc ramène la thune qu'on puisse rentrer à la maison ». Parce qu'il y avait les saisonnières et les locales, et puis le patronat... ne se privait pas d'aller exciter les rivalités existant entre les différentes mondines locales ou saisonnières. Et puis le dernier chant qui est très beau, très très puissant, son la mondina, qui dit « Je suis la mondine, je suis l'exploitée, je suis la prolétaire qui jamais ne tremble, ils m'ont tuée, enchaînée, ni la prison, ni la violence ne m'ont arrêtée ». Et elles ont ce timbre de voix qui est âpre et corrosif et d'une puissance extraordinaire. Ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi

I feel the cost of it pushing my body. Like I push my hands into pockets and softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past that resurface despite all we did to vanquish the traces. Man, my very language is tainted with all that we stole to replace it with this. I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, man's systems are huge. Traffic keeps proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top-down violence, structural viciousness. Your kids are don't stop on prescriptions and sedatives. But don't worry about that, mate. Worry about the terrorists. I mean, the water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying. Stop buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres, new shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lived beneath the breadline. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Our place went nuts. You can ask our Lou. It was a madness. The road ran red, pure claret. Oh, and about them immigrants, I can't stand them. I mean, mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich as a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise, cross the beige days off on your beach babe calendar. The anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Court sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. It was back to the House of Lords with snap wrists. They abduct kids. They molest the heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of spliffs? Jail him. He's the criminal. It's the bored of it all generation. The product of product placement and manipulation. Shoot them up, brutal duty of care. Come on. New shoes. Beautiful hair. Bullsh, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. Here's me outside the palace of me. Construct of self and psychosis. And meanwhile, the people were dead in their droves. And nobody noticed. No, wait. Somebody noticed. I could tell by the emoji he posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright, so let's dream. Oh, but some of us are stuck like stones in the slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost, we are lost, we are lost, we are lost, we are lost, we are lost. Are we lost? We are lost, we are lost, we are lost, we are lost. We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of the forces, to drink off the thoughts of the money, the oil, the planet is shaking and spoiled. Your life is a plague in the garment you soil, the toil, the toil. I can't see it ending at all, only the end. Tell me, how is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts to make room for alien structures? Develop, develop, kill what you find if it threatens. No trace of love in the hunt for the bigger buck. Here in the land where nobody gives a f- what am I gonna do to wake up? Je vais terminer cette session d'écoute avec une pièce un peu plus apaisée, où on entendra une voix humaine et une voix d'une famille de petits ducs. C'est la pièce Le Petit Duc de Knut Victor. Knut Victor, il est décédé en 2013, il est danois d'origine, vidéaste au départ, et ensuite il se qualifiait de peintre sonore. Et donc il a utilisé les paysages sonores comme expérimentation, espace d'expérimentation. Et il prélevait ce qu'il appelait le chant de la terre pour essayer de prélever des sons, disait-il, qu'on n'entendra peut-être plus. Et il s'attelait notamment à... Il aimait bien prélever les sons des mondes minuscules, des mondes miniatures, quels sons produisent les fourmis, le ver à bois, l'érosion. Et là, on y suit pendant quelques minutes la vie d'une famille de petits ducs. Et voilà, je trouve cette pièce d'une très grande tendresse. Donc Knut Victor, Le Petit Duc. de petit duc. C'est un hibou, pas plus grand qu'un merle. Il vit dans la nuit. Il dort pendant la journée. Pas toujours. Parfois, ils se parlent entre eux, la mère et le père. À peine perceptible, très doucement, pour être sûr que l'autre est toujours là. Parfois aussi, on peut entendre si on est très, très attentif que la mère, petit duc, parle à ses bébés dans le nid. Voilà la mère. Le père qui arrive. Il a amené un escargot pour écouter plus ce qui va arriver le petit Arnaud quand il devient plus grand. Il faut tourner le disque. Merci beaucoup. Merci.